La cérémonie consacrée au mois de solidarité avec le peuple coréen est ouverte le 25 courant à Cuba. Dans la salle de cérémonie est exposée les photos sur les exploits du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du dirigeant suprême Kim Jong-un. Y ont pris part les officiels du comité cubain pour la réunification de la Corée, de l'association d'amitié cubaine avec les peuples et du centre d'élevage de volailles reproductrices d'amitié Cuba-Corée et autres habitants, ainsi que l'ambassadeur coréen à Cuba et ses collaborateurs. Juan José León Vega, premier vice-président du comité cubain pour la réunification de la Corée, a exprimé du soutien et de l'appui absolu du peuple cubain adressé à la cause juste du peuple coréen engagé dans l'œuvre pour la réunification indépendante du pays sous le dirigeant suprême Kim Jong-un, selon les recommandations du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Les participants ont vu le film coréen « Auteur de la guerre de Corée ».